6. Une rencontre. À défaut d'un grand esprit, M. de Létiol avait de l'expérience, et il se sentait glisser sur la pente. Quant à Berthe, son rêve se trouvait réalisé comme par enchantement. Au premier étage du magnifique hôtel, dont les bureaux de son père occupaient le rez-de-chaussée, la jeune fille trônait, entourée de toutes les délices que peut donner l'opulence. Et en vérité, on eût dit que toute sa vie, ses jolis petits pieds, chaussés de satin maintenant, avaient foulé des tapis d'Aubusson. Ses yeux s'arrêtaient avec une satisfaction calme, sans surprise, sans transport de parvenu, sur les riches tentures de son boudoir. Elle drapait son cachemire de 500 louis, comme autrefois son petit châle de bourre de soie, avec grâce et simplicité. Grande dame, elle était ce qu'elle avait été, pauvre fille, convenable, charmante. Elle avait bien un peu pleuré en quittant la rue de l'Ouest, mais au détour de la rue de Vaugirard, un riche équipage l'attendait. Elle ne pleura plus. En montant l'escalier de marbre de l'hôtel de la Chaussée d'Antin, l'image de Lucien se voila dans son cœur. Et lorsque, arrivé au premier étage, son père lui montrant son délicieux boudoir, lui dit « Berthe, voici votre chambre ». Le souvenir de l'artiste disparut complètement. Berthe avait aimé Lucien à sa manière, mais une seule chose en elle absorbait tout le reste. Le luxe était son élément. Tout souvenir entaché de misère la blessait. Or elle voyait Lucien plus pauvre encore qu'il ne l'était réellement. Sa société actuelle se composait exclusivement de riches et nobles héritières. La nature avait doué Berthe de tout ce qu'une éducation supérieure pouvait avoir donné à ses compagnes. Loin de faire tache au milieu d'elles, la fille de l'industriel les dominait en beaucoup de choses, et brillait par-dessus toutes par sa beauté. Au moment où nous la retrouvons, elle avait déjà une amie et presque un mari, Mademoiselle Émilie de Nogent et Monsieur le Comte de Nogent, son frère. Aymar, à la première vue de Berthe, avait été frappé comme d'un souvenir. Quelque chose lui disait qu'il avait déjà vu quelque part cette figure angélique, ses formes pures, cette attitude gracieuse. Mais il ne put parvenir à se rappeler l'atelier de Lucien et la statuette voilée. L'amour d'ailleurs lui avait aussitôt pris au cœur et ne lui avait pas laissé le temps de réfléchir. Mademoiselle de Nogent, pâle et aristocratique figure, et cependant nature ardente et enthousiaste, s'était de son côté sentie attirée vers Berthe, qui elle-même la préféra beaucoup à ses autres compagnes. Mademoiselle de Létiol était si expansive en apparence, son cœur égoïste et frivole, se cachait si bien derrière l'éloquente vivacité de son langage, vivacité augmentée encore par un léger accent méridional. Sa conversation était chaude, originale, piquante. Qui donc aurait pu deviner le défaut d'âme sous ses saillies brillantes et redoublées? Entre jeunes filles, les confidences suivent de près l'amitié, quand elles ne la précèdent pas. En échange des petits secrets d'Émilie, qui confia à la première ses rêveries vagues, son instinctif besoin d'aimer, Berthe détacha quelques épisodes de son roman de la rue de l'Ouest, en ayant soin de déplacer la scène. Elle raconta l'amour timide et puissant de Lucien. Elle montra même ses vers. Émilie s'exaltait naïvement à ses récits, et quand plus naïvement encore, elle s'étonnait de la cruauté de son ami. « Je ne l'aimais pas, » répondit hypocritement Berthe. Après une ou deux longues causeries sur ce sujet, Mademoiselle de Nogent se mit à penser à l'artiste, peut-être plus souvent qu'il n'était nécessaire. Mademoiselle de Nogent n'avait plus dans le monde que son frère, et elle l'aimait avec ce dévouement expansif et radieux que les femmes apportent d'ordinaire dans toutes leurs affections. Mais elle n'avait pas encore trouvé personne qu'elle pût aimer de cet autre amour immense qui tressaillait en elle. C'était un poème que sa vie de jeune fille. Elle naissait à peine au monde. Tout lui apparaissait nouveau et charmant, et son âme avait des pudeurs dont le sens lui échappait à elle-même. Monsieur de Nogent, qui n'était pas poète comme Lucien, et se contentait d'être riche d'une 60 000 livres de rente, n'avait pas trop à se plaindre de Berthe. La jeune fille était avisée. Sans avoir de données bien certaines sur la fortune de son père, qui ne s'était jamais bien expliqué à cet égard, elle soupçonnait en partie la vérité. Ce changement de nom mal motivé, la tristesse croissante de M. de Létiol, ses discussions de plus en plus fréquentes avec Michaud, qu'elle regardait dans son ignorance, comme le principal auteur de leur opulence subite, lui faisaient craindre un second changement aussi terrible que le premier avait été inespéré. Un riche mariage pouvait seul éterniser, pour ainsi dire, son état présent, si plein de charme pour elle et sa conduite avec M. de Nogent étaient d'accord avec cette conclusion. Elle jouait à ravir la comédie de l'amour. Elle se parait, froide et ambitieuse, d'une sensibilité factice, qui se montrait d'autant plus à propos qu'elle était calculée. Tout cela, du reste, était un rôle joué, mais non appris, car la nature l'avait faite comédienne. Au bout d'un mois, Aymar était amoureux fou, et presque tous les jours, Mlle de Nogent venait prendre Berthe pour aller au bois. Elles étaient seules dans la voiture. Aymar les escortait à cheval. Un soir, quand leur promenade s'était prolongée jusqu'à la nuit, la pluie les surprit aux Champs-Élysées, en calèche découverte. Elles firent prendre le galop à leurs chevaux. En passant sous le premier réverbère de la place de la Concorde, elles entendirent un cri poussé près de la portière. Berthe tressaillit. Elle avait cru reconnaître la voix de Lucien. Pendant tout le reste de la route, elle fut rêveuse. À plusieurs reprises, elle pencha sa tête à la portière et lui sembla voir au loin un homme courant dans la boue et faisant des efforts désespérés pour suivre l'équipage lancé au galop. Le tressaillement de Berthe, le cri poussé par Lucien ou par celui que Berthe avait pris pour l'artiste de la rue de l'Ouest, tout cela frappa Émilie. Et quand Berthe se pencha à la portière, elle imita son mouvement et regarda comme elle. 1000 équipages sillonnaient les boulevards encombrés. L'homme suivait toujours obstinément et à travers les premières ombres de la nuit, on n'eût pu croire que son regard s'était allumé pour suivre et fixer la voiture qui emportait Berthe. Émilie regarda la fille de M. d'Anglade. Celle-ci était fort pâle et évitait le regard de M. le comte Aymar de Nogent, qui du reste ne se doutait de rien. Enfin, on arriva à l'hôtel. Berthe jeta un regard inquiet des deux côtés de la rue, mais elle ne vit personne. Le souvenir de Lucien avait produit sur elle un mouvement qui ressemblait à un remords. Il l'aimait tant, ce Lucien. Mais en même temps, une vision repoussante avait passé devant ses yeux. Elle avait vu la petite chambre de l'artiste, aux meubles rares et plus que modestes, et elle s'était vue elle-même en robe d'indienne. Monsieur et Mademoiselle de Nogent s'étaient retirés. Berthe était seule, paresseusement étendue sur une causeuse. Après cette pluie qui l'avait glacée, après cette réminiscence de misère qui l'avait attristée, elle savourait le luxe qui l'entourait de toutes parts, le luxe, c'est-à-dire pour elle le bonheur. Une jeune camériste à la figure avenante, à la taille souple et provocante, allait et venait, rangeait les fleurs et remettait chaque chose à sa place. « Lise, lui dit tout à coup Berthe, en tournant nonchalamment la tête, « que faites-vous donc là ?»« Je range, mademoiselle. »« Monsieur de l'Étiole est-il rentré ?»« Pas encore, mademoiselle. » Il n'est venu personne me demander pendant mon absence ? Personne. En avez-vous encore pour longtemps ? Je me retirerai dès que mademoiselle le désirera. Berthe regarda un moment la camériste avec attention. Savez-vous, Lise, reprit-elle presque aussitôt, que vous avez là un bonnet charmant ? Oh, on me l'a déjà dit, repartit Lise. Il vous sied à ravir. Mademoiselle est bien bonne. C'est une nouvelle emplette ? C'est mieux que cela, mademoiselle. Qu'est-ce donc ? Un cadeau ? Vraiment ? Un sourire ironique effleura les lèvres de Berthe. « François est donc bien riche qu'il vous fait de pareils présents, » dit-elle avec une indifférence affectée. Lise fit un petit mouvement de tête qui ne manquait ni de grâce ni de vanité. « Aussi n'est-ce pas à François que je le dois, » répondit-elle effrontément. « Et à qui donc ? » ?»« À monsieur de Nogent. » Berthe fit un geste d'étonnement. Lise s'en aperçut, elle sourit. « Vous êtes coquette, mon enfant, » reprit Berthe après un moment de silence. « On m'a dit souvent que j'étais jolie, » repartit la camériste. « Vous le seriez davantage, si vous le saviez moins. »« Oh, un peu de coquetterie ne nuit jamais, mademoiselle le sait bien aussi. »« Qu'est-ce à dire ?» Berthe eut un regard singulier. « C'est-à-dire, mademoiselle, que je connais un jeune homme qui se meurt d'amour. »« Pour vous ?»« Oui, je ne parle pas de François. »« Et de qui parlez-vous donc ?»« De monsieur de Nogent. » »« Il vous l'a dit ?»« Il m'a du moins prié de le dire. »« À qui ?»« À mademoiselle de l'Étiole. » Berthe se tut. L'effronterie et l'aplomb de Lise l'effrayaient, et cependant elle ne pouvait se résoudre à lui imposer silence. Lise était une fille adroite et qui avait appris le monde. Elle avait 20 ans à peine, mais elle avait déjà bien vécu. Elle comptait des phases diverses et nombreuses dans son existence, et connaissait surtout de Paris les quartiers où la vie est heureuse et facile. On eût dit la Dorine du XVIIe siècle, transplantée au milieu de la société moderne. Elle était à Corte, vive, à l'œil mutin, aux gestes hardis. On ne pouvait pas dire qu'elle fût précisément jolie, mais elle avait une tournure agaçante, un minois éveillé, une allure spirituelle, toute la qualité qui s'acquiert dans l'intimité des filles du diable. Lise avait commencé par fréquenter les ateliers. Elle s'était faite artiste. Puis elle avait monté, puis elle avait descendu. Des transformations mystérieuses. Elle était bonne fille au fond, cependant, bien que son cœur ne l'embarrassât guère. Une fois pourtant, elle avait failli aimer. Elle ne l'avait dit à personne. Elle en était presque honteuse. Mais bah, Lise était une fille d'or, et l'amour vrai coûte trop cher. De temps en temps, elle y pensait bien encore, mais cela durait peu. Cependant, Berthe comprit combien il était imprudent d'accorder une si grande liberté de langage à une femme de chambre, et quand elle releva la tête, son regard s'adressa avec sévérité à la jeune camériste. « Lise, lui dit-elle d'une voix presque sèche, votre indiscrétion pourrait passer pour de l'impertinence. À l'avenir, vous aurez soin de ne vous charger d'aucune commission de cette sorte, et je vous préviens que si cela se renouvelait, je n'aurai pas toujours pour vous les mêmes bontés. » « Qu'ai-je donc fait de mal ? » demanda Lise avec un étonnement parfaitement joué. « Ai-je besoin de vous l'apprendre ?»« Je croyais servir, mademoiselle. »« Assez. Puis il y a peut-être une chose que mademoiselle ignore. »« Laquelle ?»« C'est que monsieur de Nogent n'est pas le seul qui m'est engagé à vous parler de lui. » Berthe se redressa avec vivacité. « Quelqu'un vous a invité à me parler de monsieur de Nogent, » dit-elle avec une sorte de terreur vague. « Oui, mademoiselle. »« Et qui cela ? » ?»« Je le sais, si je dois le dire. » « Vous hésitez quand je vous l'ordonne ? On m'a recommandé d'être discrète. Je tiens à connaître le nom de celui qui prend tant d'intérêt à ma personne. Eh bien, parlez. »« C'est monsieur Michaud. »« Lui ? Mais quel motif ?» Lise allait continuer sans doute ses confidences quand un grand bruit s'éleva tout à coup à la porte. Deux laquais venaient d'entrer et cherchaient à barrer le passage à un troisième individu de haute taille dont la tête pâle apparut aussitôt dans l'embrasure de la porte. Berthe jeta un cri de détresse. Les deux laquais, poussés avec une violence irrésistible, chancelèrent, et le nouvel arrivant entra dans la chambre. C'était Lucien. Lucien, les cheveux épars, sans chapeau et couvert de boue. Berthe mesura d'un coup d'œil l'étendue de son danger. Lucien devait être outré. Trois personnes, trois domestiques allaient être mis dans la confidence de sa faute. « Ah, vous m'avez fait peur, Lucien, » dit-elle en souriant. Les trois valets dressèrent l'oreille. Et Lucien s'arrêta étonné. « Fou que vous êtes !» ajouta la jeune fille avec une voix où lui seul pouvait démêler une prière. « Je vous reconnais bien, là. Jamais rien comme les autres. Pourquoi n'avoir pas dit à ces gens votre nom ? Ils ne sont pas forcés de savoir la parenté qui nous lie. »« Allez, » continua-t-elle en s'adressant au domestique, « et souvenez-vous de la figure de mon cousin, monsieur Lucien de Bressan. » Lucien restait immobile, dans un état de stupéfaction que rien ne pourrait peindre. Les valets tournèrent le dos, non sans se confondre en saluts et en excuses. La femme de chambre les suivit, mais avant de disparaître, elle jeta sur Lucien un regard où il y avait encore moins de curiosité que d'étonnement.